jamais je me souviendrai. Ce joli matin de janvier, lorsque la belle est arrivée, devenant ma voisine de palier. Elle a fait exploser mon cœur, elle a fait taper à 100 à l'heure. J'hésite entre lui offrir des fleurs ou attendre la panne d'ascenseur. De son pas léger, on dirait une vraie fille de la télé. J'aime son parfum si fruité qui parvient jusqu'à mes quartiers. Je rêve de monter un jour d'été derrière elle dans l'escalier. Ta jupe courte me laisserait entrevoir sa culotte rayée. Ta fille d'à côté est discrète, et souvent que sur le palier, frappée d'un doute, je m'arrête. Comment pourrais-je prononcer cette phrase, il faut bien l'avouer, un peu désuète, un peu toute faite. Je vous ramène une baguette. C'est que pour moi, c'est compliqué, c'est ma grande timidité qui me fait beaucoup bégayer, et les gens ne font que moquer. Mais si je veux qu'on soit fiancés, faut que j'arrive à me déclarer, et que l'on puisse enfin s'aimer comme Isa et Paul Duchesnay. Et il y a les visiteurs qui restent chez elles des heures, leur baratin de grands charmeurs branleurs. Ben moi je connais ça par cœur. De toute façon ils font pas peur, ils ne sont pas à la hauteur. D'ailleurs il ne reste guère, ce ne sont que des amours passagères. Ta fille d'à côté est discrète, c'est souvent que sur le palier, frappée d'un doute je m'arrête. Comment pourrais-je prononcer cette phrase, il faut bien l'avouer, un peu désuète, un peu toute faite. Je vous ramène une baguette. M'a promis à déménager un jour chez le clou du rez-de-chaussée. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, ma belle voisine de palier. Jamais je ne l'aurai. Non, jamais je ne l'aurai.